un tic, c'est que dès qu'il y a une chanson qui finit, on reprend par et voilà, c'était. Bah, c'est le plus simple. faut qu'on. J'ai remarqué aussi, avant les chansons, on dit toujours et on s'écoute ça tout de suite. Alors, on aurait dû appeler l'émission et voilà, c'était. Mais putain, faut qu'on s'écoute ça tout de suite. Et c'est. Je vais encore regarder les conneries, hein, tu sais. voilà. D'accord, bon, bah voilà. Tu sais que là, je vais les garder, forcément. Vincent, t'es vraiment dégueulasse. Ça fait 15 ans que j'écoute, je connais toujours pas les paroles, mais voilà. Ah, tu l'avais écouté dès la sortie? Ah, mais depuis le début, mais j'étais à fond, j'imagine même pas. Trop drôle. Tu sais, t'as des morceaux comme ça qui sont un peu pas ringards, mais un peu vieillots, et puis genre qui sont un peu genre ah, j'ai un peu honte de le diffuser, mais voilà. Ouais, c'est Night Fever des Bee Gees dans le genre là que j'adore. Ouais, bah ouais, tu vois. Night Fever. Non, moi ça fait. Ah, on va parler de Jason, hein, parce qu'il écoutera ça peut-être dans le best-of. Ah bah ouais. Ça m'a fait trop rire quand il a dit dans la dernière émission et retrouvez-nous sur Tipeee. Sur... J'y ai repensé aujourd'hui à ça, je dis c'est vraiment pas con. Pour aider à payer nos amendes de la SACEM. Moi vivant, il n'y aura jamais de Tipeee. Hein. Le roi Lot. Et moi je mange mes cannelloni. Cannelloni puis Tony. Par contre, tes rototo, j'allais prendre des amplifiés. Hein. Tu vas en faire des. Tiens, on va entendre nos voix. C'est qui est alors tu fais un rototo et après tu fais un acouphène, tu sais. T'es genre. T'as tout cassé. Fantasme du rock, sex, drogue, sauvage, rock and roll, voilà. Donc les bien nommés Libertines avec Diff on the Stairs, on s'écoute ça tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Oups. Bon, je termine mon cannelloni, c'est le dernier. Le dernier tiers de cannelloni. Le fil rouge cannelloni est fini. Bon, bah, on plie les gaules, comme dirait Jules César. Oh là là, les gamins. Je vais faire pipi. Attends, écoute. Don't you matter no man anywhere. Putain, they make me so mad. I don't care about him anyway. Hey, il m'a coupé le retour. Don't know why. Ça coupe, ah, les, c'est cool, ça coupe les micros ou ça coupe les retours? Non, là, je te coupe juste ton micro, là. Genre moi je peux continuer à parler mais pas toi. Les gamins quoi. Allez, t'as 2015 pour faire pipi. Attends, je vas-y, je tombe. Après ces conneries, on reprend aux 40 secondes. Putain, on est à 48 minutes, on va exploser les scores. Je pense qu'on va faire 1h40. On va faire 1h40. Hein. Mais après, on a peut-être des morceaux qui sont un peu plus courts. De... Ouais, non, en fait, non. 4,50, 3,40, non, en fait. Non, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas les années 2000, c'est la folie, c'est champagne, ça, les années 2000. Ah, ça me fait penser à du Nest. Ah, c'est avant les Nest. Enfin, 2 ans avant. Attends, c'est quoi? Je donne whatever. Tonight. C'est au miroir, mon beau miroir. Ouais, dis-moi, ouais, je suis la plus belle. Je vais finir par te croire quand tu dis je. Le premier concert de Clara. Putain, qu'est-ce que je l'ai joué sur Guitar Hero? C'est vrai, c'est elle est trop bien. Ouais. Est-ce que je couperais dans le best-of quand on parle de Clara? Non. Ça fait. Ça fait. Find yourself a girl. Yourself a girl. And take her down. I never want a feeling when it's coming round. Steady as she goes. On s'écoute ça tout de suite, 56 minutes de musique non-stop. Fun Radio. La première fois que tu l'as entendu, c'était dans On s'écoute ça tout de suite. Putain, mais t'es obligé de venir en maillot de l'équipe de France. Vous êtes le Thierry Henry de chez Thierry Henry, là. T'as le mec, il vient en enregistrement avec un maillot de l'équipe de France, quoi. Bah, ils ont de très bons goûts musicaux, hein, les footballeurs. Ah ouais, les quoi, Marseillais, ils me font tous le signe de Joule quand ils marquent. Ouais. C'est quand même la classe. Eh ben. C'est triste le foot, hein. Ouais. Alors, cette chanson, tu vois, elle est sympa, mais ça manque un peu de... Cause I'm a teenager, back, baby. La première fois que tu l'as entendu, c'était dans Reservoir Dog. J'ai tellement la gorge sèche que je me croirais dans The Island, quoi. Oh. Hey, cette nuit, hey, t'as rêvé de crocodile. Ouais, comme il y avait un caïman dans The Island, j'ai rêvé que de, tu sais, des petits caïmans qui filaient et qui m'attaquaient comme ça. Et moi, j'avais une batte de baseball. Ah, et je devais les mettre dehors de ma maison. Il y en avait plein. Sinon, on va se faire une petite pétanque après. On va acheter du coca, on va faire une pétanque. Bah, où ça? Là, où c'est une pétanque, on va. Il n'y a pas de boule. Comment il en a? Ouais. Bon, on va se faire une pétanque, tout. On a fait ça la dernière fois, on a joué avec des mecs et tout, genre des vieux et tout, on jouait avec eux, c'était marrant. Bon, on se fait nous trois ou non? Il y a une... Il y a un terrain de boule juste en dessous. Oh, cool. Bon, alors. T-Rex. T'es vraiment un escroc avec... parler de Glee et tout. Ah ouais, mais il faut trouver des... Mais moi, en fait, c'est... on a deux approches différentes. Toi, tu parles des artistes et tout. Toi, tu parles des artistes et tout ça. Moi, j'aime bien rattacher ça un peu à la pop culture avec des anecdotes et tout. Je parle de films, de cinéma, séries. Tu vas voir que je suis un peu un escroc, parce que je parle souvent. Je me suis dit, putain, il parle de Glee. Alors que... Est-ce que vous vous souvenez de la mode de Glee? Non, mais c'est juste pour situer brièvement. C'était pour faire ma petite blague après. Ah ouais, c'est stylé, ouais. Je trouvais ça vrai. Tu vas voir, pour liquido narcotique, j'ai vraiment fait mon enfumage total. Je vais faire un quiz. J'attends de voir ça. Vous l'aurez deviné, on est en plein dans les années 80. Seconde. Je connais bien les morceaux que je choisis, vraiment. Ça se voit. Je maîtrise totalement. Vous l'aurez deviné, là on est en plein dans les années... Ne la laisse pas tomber. Oh, elle c'est pas ça du tout. Agile. Elle est abonnée à Marie-Claire. C'est vrai, putain, ça c'est la même. T'as du ton éder. Putain, mais ouais. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile d'être une femme. C'est pareil. Putain, c'est horrible. Elle s'est approchée à côté de. Ça, c'est une chanson sur la cocaïne. Attends, ah ouais. Cody. I feel good, my cocaine. On dirait qu'il dit Michael Caine. Tu vois. And I call your name, Michael Caine. Ouais, c'est trop drôle. Ça, c'est une putain d'illusion. Quoi. Ouais. En plus, il dit When I call your name, Michael Caine. Ça devait être trop. Bravo. Ça me dit, slow. On se lève après, on danse. Et on danse, et pas n'importe lequel slow, the slow des années 80 avec Steel of New et la musique de la boum de Vladimir Kosma. Je veux bien sûr parler d'Everybody Got to Learn Sometimes des Corgis. On s'écoute ça tout de suite. Tu m'as complètement niqué mon truc parce que après je dis merci Vincent pour cette danse, ce fut fort agréable. Ah bah je couperai si tu veux. Je couperai si tu veux. Non mais j'arriverai. Ça me fait marrer parce que j'avais prévu quoi. Sélection open bar, chacun met ce qu'il a envie. Je vois que Clara a très très envie de participer. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Non, j'ai envie, je viens juste de capter que mon retour n'était pas bien branché. C'est pour ça que j'entendais rien. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi. Et... Donc voilà, c'est très bien. Clara, mais la terreur des émissions. Heureusement que je m'en rends compte maintenant. Il s'appelle Giving Up the Gun. Et on s'écoute ça tout de suite. Clara qui coupe tout le monde à chaque fois, c'est hallucinant. Je suis désolée. Trois fois des trucs comme ça. Ils font 4 minutes. Alors justement, réfléchis à ce que tu vas dire en retour. Ah non, mais je sais. Hein. C'est bon ? Ouais, tu sais, tu sais comment tu vas attaquer là. Regarde, la musique s'arrête, tu dis quoi? Eh bien, c'était Vampire Weekend. Alors, on a décidé de travailler nos reprises et de pas dire. Juste avant la fin du premier morceau. Et d'arrêter de dire justement, il reste plus de thème, machin, truc. Ok. Vous aimez pas en vrai? Si, moi j'aime bien. Pas trop, non. Je trouve ça un peu chiant en fait. Bien sûr, tu foires pas cette émission, Clara. Les deux dernières étaient tip top. Ouais, c'est vrai. Alors attention, tu nous foires pas. Nous fais pas regretter de t'avoir gentiment touché mon pied de micro. Clara, t'es pas pro. Hein. Tu fais n'importe quoi. Eh oh, ça va reprendre, Clara. 3 secondes. On air. Mais non, mais du coup, je peux pas le dire, donc c'est horrible. Ouais, mais en fait, ouais, t'as vraiment préparé tes reprises. Genre bien écrit et tout. Mais on est pro, parce que j'écris tout en entier. Clara, je t'ai dit, j'ai essayé d'autres techniques et c'est là qui marche le mieux. Clara, je pense qu'elle nous a un petit peu sous-estimé. Moi, je débarque, moi. Ouais. T'avais écouté les autres émissions ou pas? T'avais pas vu ces enchaînements d'une beauté j'avais sans écouté égale et tout, mais. Et t'as pas pris de One Direction? Non. C'est con. Je savais pas si j'allais assumer. Parce que j'aurais pu en parler, hein. Ouais, en plus t'avais plein d'anecdotes et tout. Et ouais, et là Louis il a fait ça, et après Harry, et ben il lui a dit et ça. Et c'est dans le concert, et là... à Yann, c'était 10 minutes. Il m'a regardé. Prépare ta prise. C'était AIM et Oh non. Mais je peux pas. C'est trop dur. Ouais, elle est trop dure cette chanson. Dis donc, je prépare mes retours maintenant. Clara alors, se décide un petit peu à travailler. Oh. T'as vu, c'est pas un exercice facile. Hein. Non, c'est vrai. En vrai, j'ai un peu. Je me sens pas très bonne dans cet exercice. Mais non, détends-toi, détends-toi. Non, parce que, alors que Noé et moi, dès le premier, on a été hyper bons. Hein. N'importe quoi. J'ai écouté vos premières émissions, tu m'as dit même. Quand tu. J'ai dit qu'il y avait des soucis. Ouais, bah, mais déjà, j'avais pas tout écrit à la première émission, alors. C'est très bien camouflé par la magie du montage. Et du coup, la tradition, c'est que l'invité après nous paye une bière au Fox. C'est la tradition. Ça a été lancé par Jason. Ouais, qui a payé même toute une soirée, Jason, mais nous on dit juste une bière. Il nous a rincé une soirée, mais on a dit non, Jason. On a dit, ah, Jason. Bon, 3, ok, 4, mais bon. 3-4 bières, mais tu refais plus. Hein. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Alors, en plus, tu vois, j'ai fait un texte à la Philippe Manœuvre après. Mais genre, avec le ton de c'était Philippe le seul texte où j'étais inspiré. Oui, les specials. Il faut mettre en perspective l'importance du week-end chez toute une génération de baby boomers. Tout à fait, mon cher Joe. Je connaissais pas Genius. Genius. C'est pas mal. Ah, tu connais pas les bails, hein. Regarde, mets par exemple NAS Memory Lane, tu vois, toutes les annotations qu'il y a sur les paroles. Je suis en train de regarder pour trop le voir. Genius, c'est un peu la base de notre travail avec Wikipédia. Ouais. Non, j'ai sur Songfacts. Songfacts.com. Il y a toujours pareil. Des petites anecdotes. Sur... trois sites. Moi, j'aime bien les anecdotes sur les groupes plutôt que sur les chansons. Mais... Ah, il y en a plein sur Songfacts. Moi, je fais toujours les trois là, ouais. Songfacts, Wikipédia, Genius. Et aussi, un vivier aussi, tu vas sur les commentaires de YouTube, il y a toujours des mecs pour dire oui, ça me rappelle. Mais c'est pas lui qui avait composé cette chanson en 82. Genre Squeezie sent me here. Bah, y en a des. Le 15-18 action bring me here. Ou genre t'arrives sur un morceau, c'est le 15-18 plante son drapeau. First. Oh, faudrait qu'on fasse un hors série sketch rire et chanson. Ah ouais. On s'écoute tout de suite Coluche. Ah ouais, on s'écoute tout de suite le lâcher de salope. Alors en 82, Bigard a imaginé. Ce serait marrant. Faire bon chasseur. Ah oh, putain, on fait ça pour un genre. Ouais, en 1er avril, on aurait pu le faire. Ouais, mais pour le 1er avril prochain. Ouais, mais si on est encore là. Franchement, je crois que c'est un de mes morceaux préférés du rock. Ouais. Ah, je trouve bon, que la bon. Partie de guitare est incroyable. Quoi. Ça, c'est autre chose que du Oasis. Hein. Hein, et, ça, c'est pas du... Hein. Parce que ça, c'est pour ce qu'on fait entre les morceaux. Tu vas voir, Marie, t'es jamais là. Mais quand on parle entre les morceaux, je le récupère et j'en fais des best-of. Là, on en a 4-5 déjà. Et au bout d'un moment, je fais une demi-heure, le méga best-of de ouf. Et puis ça va être trop bien. Allez, Moscou. Et bonjour tonton qui m'écoute peut-être. C'est Jean-Pierre. Ouais, il est du Pays Basque en plus. Alors, ah mais oui, j'ai vu qu'il avait mis des espadrilles en photo de couverture. À Biarritz, il y a les bleus en ce moment. Ouais mais je m'en fous. D'accord. Déjà, il y a le flow assez particulier de Be Real que vous avez entendu là. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il avait un flow particulier. Oui. Ouais. J'aime ce flow. J'écoutais pas quand tu me parlais. Bon, le groupe est pas connu que pour ça. Hein. Déjà, il y a le flow assez particulier de Be Real, hein, vous avez remarqué. On va s'écouter More Than a Feeling. Hein. Sentez la vibe de ce morceau. On s'écoute ça tout de suite.